Comme un avion sans roue, si sur l'instru que je m'écrase, je creuse un fossé aussi profond qu'un puits. Depuis le temps qu'on trime, les fosses sont gourées de plein. Je marche dans la boue sans boussole, je traîne qu'avec des poursuites. Les apparences sont trompeuses, les boucles moches sont trop bons. Devant pas de test, tu me passives. Avec tes histoires sans fin, tout le monde s'en fout. Hey, ça fait longtemps que j'ai pigé, je me tue à la tâche. On est tous fait mouche, amoché par la vie. Toujours envie de dire ce que je pense. Mon énergie, je dépense, t'es pas ces types qui reculent. Je régale, les habitués du style free, fruit défendu à vrai dire. Bien trop dur à cuire, y'a quand on vrai qu'on sait s'accueillir. Je fais pas la queue, je parle en queue, je sois trop de sorte de dialecte, appuie sur lecture. Tu sens transport en voiture, moi je suis malade de ma lady. Du peura, j'en ai fait que diagnostic, les pronostiqueurs par cœur, je connais mes textes. Par contre, je fais plus d'erreur, la rue un film d'horreur, je reviens en restant libre, en gardant l'équilibre. Mon putain de sens du partage, on se protège du mauvais œil. Est-ce que tu sais que c'est l'agression verbale enfoirée? God Guns Company, est-ce que tu marches avec nous, frère? Est-ce que tu kiffes avec nous, frère? Kiffes avec nous, frère. Street avec nous, frère. Street avec nous. Soit t'as des bifs avec nous, soit tu kicks avec nous. Est-ce que tu marches avec nous, frère? T'es mes gars. Est-ce que tu kiffes avec nous, frère? L'année du gaga. Street avec nous, frère. Soit t'as des bifs avec nous, soit tu kicks avec nous. Est-ce que tu marches? Je perds ton temps si tu veux m'enlever le mic de mes paumes. C'est comme un jeune sans joint dans la fosse. Comme un keuf qui marche seul dans la zone. Le bruit d'un flingue dans la nuit sans le coupable qui tient un chrome. Le hip hop, mon home suite, je veux le trône. Aucune personne sur terre, les yeux ouverts, ne peut me zapper ça. N'essaie pas, je te déconseille, tu vas te cramer les doigts. Combien d'enculés veulent me voir sous une pierre d'emballe. Avec gravé dans la roche les initiales. Sors les sortilèges, porte-moi l'œil. Si ça te fait plaisir de voir les miens porter le deuil. Pendant que souffle mon stylo père, ça sève. J'entends des rabots sur moi, tu parles sur moi, je t'emmerde. J'enfuis la cagoule, je mets à quatre pattes, je pousse ta merde. Au point j'en suis mec, au mic j'ai plus rien à perdre. Champagne, nana en string, bling bling. C'est pas ça qui fera de moi un king. Je me dois d'être dans le game comme Jerry Wing. Cet honneur c'est l'infâme, t'as reconnu toujours Hal. Avec qui je marche, l'agression verbale. Est-ce que tu marches avec nous, frère? Est-ce que tu kiffes avec nous, frère? Kiffes avec nous, frère. Street avec nous, frère. Street avec nous, soit t'as des bifs avec nous, soit tu kicks avec nous. Est-ce que tu marches avec nous, frère? T'es mes gars. Est-ce que tu kiffes avec nous, frère? L'année du gaga. Street avec nous, yeah. Soit t'as des bifs avec nous, soit tu kicks avec nous. Celle-ci pour les marches de CNL. Big up ma clique. Et quand mes gars sont en place, je les fais coco dans ma zig. C'est dit frère, je n'ai pas les cocottes et la jeep. Prie pour moi mon frère, car tu ne peux pas boycotter mon mic. Avoir les pecs ou même le 9 automatique n'est pas assez face à un négro qui flingue avec son bic. Loin d'être un type friqué, c'est devenu mystique. Je sais qui est qui, donc ça fait de toi un type niqué. Je fais tout, faire l'effet d'un big briquet. Péter les plombs, genre Mufasa qui nique Mickey. Kajak en follette, mais de nature discret. J'ai du respect si t'en as, hey, me trahir serait risqué. Ah ouais. Qui marche avec Wham, qui même me suit. J'ai vu la haine dans les yeux de mes frères à la jungle vive. Les jaloux j'accrache, mais rate leur tentative. La street a fait de moi un MC de destruction massive. Prépare-toi, négro, j'ai pas fini encore. Que tu viennes cracher sur mon corps ou même chialer sur mon sort. Maintenant ma clique est prête, je viens grappiller mon or. Ni le diable ni les démons ne peuvent égratigner mon fort. Avec nous, frère. Est-ce que tu kiffes avec nous, frère? Kiffes avec nous, frère. Street avec nous, frère. Street avec nous. Soit t'as des bifs avec nous, soit tu kicks avec nous. Est-ce que tu marches avec nous, frère? T'es mes gars. Est-ce que tu kiffes avec nous, frère? L'année du gaga. Street avec nous, yeah. Soit t'as des bifs avec nous, soit tu kicks avec nous. Est-ce que tu marches? Marche.